Le vase d'argile par Eck Bouyer. Labéon était un vieux potier qui vivait autrefois dans l'île de Déléos. Très habile dans son métier, on venait le trouver de tous les points de la Grèce et lui commander des amphores, des coupes, des cratères pour en faire offrande aux autels des dieux les plus réputés. Du matin au soir, son tour virait dans l'étroite maison, l'emplissant d'un bourdonnement semblable à celui d'une monstrueuse abeille. Et sous ses doigts habiles naissaient les vases aux formes exquises et fragiles, aux flancs desquels l'ingénieux ouvrier savait ensuite, d'un pinceau assuré, tracer les fabuleuses aventures des héros et des dieux. Mais c'était un vieil original. Certains prétendaient l'avoir entendu parler à ses poteries comme à des personnes vivantes. D'autres l'avaient vu, disaient-ils, baiser et dorloter comme des enfants les vases qu'ils venaient d'achever, ou même se prosterner devant eux comme devant le grand Zeus en personne. Les gens du pays le tenaient pour un peu fou. Il vivait à l'écart, dans sa maisonnette rustique et claire, où murmurait un jet d'eau et qu'ombrageait deux beaux figuiers, avec sa fille, la gracieuse Milita, et un jeune homme nommé Démétrios, son aide et son élève. Certains matins, Démétrios pétrissait un mélange de terre fine et rouge, tandis que l'Abéon enluminait un cratère destiné au temple d'Apollon Delphien. Tous deux accomplissaient leur besogne en silence, et l'on n'entendait au dehors que l'écrissement des insectes s'éveillant au soleil. « Barbacus ! » s'écria le vieil artisan, « comme te voilà morose aujourd'hui, mon garçon !» Puis voyant que le jeune homme ne lui répondait pas, « Qui te rend malheureux ? N'es-tu point le seul élève ? N'es-tu point le seul élève du plus grand potier de la Grèce industrieuse qui te laissera plus tard le secret des formes harmonieuses et des couleurs captivantes ? Ne seras-tu point à ton tour le premier parmi les façonneurs d'argile ? Que te faut-il de plus ? » Démétrios s'interrompit sa besogne et leva vers son maître un regard à la fois craintif et hardi. « Maître, depuis quelque temps, je suis triste en effet. » Moi qui jadis rendais le travail attrayant et joyeux au seul fredon de mes chansons, je reste à présent des journées entières silencieux, sans desserrer les lèvres, et l'ouvrage même me paraît insipide et fatigant. Songerais-tu à me quitter, à te faire pasteur, ou marchand, ou notonnier ? Non, le goût des aventures et du négoce n'est pas le mien, mais je voudrais t'adresser une prière. Parle. Trouves-tu que tu sois maltraité ? Suis-je un mauvais maître qui te refuse la nourriture et les bons conseils ? Rappelle-toi que je t'ai recueilli tout enfant, à moitié mort de faim, errant à travers les collines pierreuses de Délas, où tes parents venaient de t'abandonner. Je ne l'oublierai jamais. Mais c'est justement le souvenir de toutes tes bontés pour moi qui me rend timide et hésitant. Par Zeus, maudit bavard, explique-toi clairement. Voilà que ma peinture est sèche à présent. Et le manteau d'Hermès va être complètement manqué. » Le jeune homme rassembla toute son audace et dit « Je t'obéirai donc. Ta fille, la blanche Milita, a su toucher mon cœur. Bien souvent le soir, alors qu'Artémis mettait au ciel son croissant d'argent fin, nous nous sommes promenés ensemble, la main dans la main, et cueillant les fleurs dont au matin nous ornions ta demeure. Et nous nous sommes jurés de nous aimer toujours. Veux-tu me la donner pour femme ?» Puis, agenouillé, étendant les bras dans la posture du suppliant, il attendit la réponse de l'Abéon. Au premier mot, le vieillard avait ouvert des yeux effarés, et levé au ciel ses deux mains sèches et noueuses comme des racines de figuier. La surprise le suffoquait. Enfin, il parut peu à peu recouvrer ses esprits et murmura. « Épouser ma fille ? Épouser, toi, Démétrios ?» Et avec un grand éclat de rire, « mon garçon, épousez Milita. Oh, oh, oh. » Soudain, redevenu sérieux, il se leva, prit par la main l'effet bétonné et le mena devant une statue de Pallas Athénée qui, dans une niche richement ornée, s'érigeait, pensive, appuyée sur sa lance. Au pied de la déesse, des fleurs s'épanouissaient dans un vase au décor somptueux. « Regarde, dit le vieil artiste à son élève, regarde ce vase. Et dis-moi s'il en existe un semblable dans toute la Grèce. C'est le plus magnifique que j'ai jamais créé. Périclès m'en a offert plusieurs mines d'argent. Je les ai refusées. C'est là mon chef-d'œuvre. C'est en lui que j'ai enfermé le meilleur de moi-même. admirant le galbe impeccable, le col effilé, le pied délicat. Laisse caresser tes yeux par les coloris qui l'animent, et qu'on dira emprunter à l'aile des plus subtils papillons. Et dis-moi, en vérité, si celui qui a fait cela n'est pas l'égal des Euxis ou d'Apelle, ou du grand Phidias lui-même. Il poursuivit d'un air triomphant. Tu ne dis rien, cela t'écrase. Eh bien, mon garçon, souviens-toi de cela. Milita, ma fille, n'épousera jamais que l'homme capable de créer un vase, non pas plus magnifique, car cela est impossible, mais aussi merveilleux que celui-ci. Et maintenant, par Phébus Apollon, père de tous les arts, au travail, paresseux. Et tandis que Démétrios, mi-chagrin, mi-satisfait, prenait un peu de terre qu'il façonna sur le tour d'un pinceau agile et précis, l'Abéon termina les broderies du manteau d'Hermès. Le jeune homme se mit avec ardeur à la besogne. En somme, si le vieux potier ne l'avait pas encouragé, il ne lui avait pas non plus défendu tout espoir, et en faisant ronfler son tour, en pétrissant la terre rouge comme un soleil couchant, Démétrios se répétait « Courage, ami, courage, et Milita sera à toi. » Comme il avait la ferme intention de réussir, il mit toute son énergie à se perfectionner dans sa profession, et comme il n'était pas maladroit, qu'il avait un sentiment très net et très juste de l'harmonie des formes, des proportions et des couleurs, il devint rapidement un très habile ouvrier, et même plusieurs fois, l'Abéon daigna l'encourager. « Allons, lui disait-il, Milita devient de jour en jour plus accomplie, et il faut la mériter. Crois-tu que j'y parviendrai ?»« Tu vas bien vite, ami. Mais voilà une amphore qui n'est pas mal tournée. Un peu de lourdeur, peut-être, aux anses. Mais le mouvement est juste, la ligne sobre. L'élève fait honneur à son maître. » Enhardi par ses encouragements, le disciple tenta un jour de modeler un vase en tout point semblable à celui qui contenait les fleurs épanouies au pied de la déesse Pallas. Lorsqu'il crut avoir enfin réussi son œuvre, il la présenta à l'Abéon, en rougissant et pâlissant d'espoir et de crainte. L'artisan examina l'objet et dit à Démétrios, railleur, « Quand dans son palais de marbre, Aspasie savoure le vin de Falerne ou de Kio, ou que dans une taverne du Pirée, un matelot déjà ivre se gorge d'Hippocras. Tous deux boivent dans une coupe. Mais dis-moi, la coupe d'Aspasie est-elle la même que celle du matelot? C'est la même forme, oui, mais que d'élégance dans l'une et que de lourdeur dans l'autre. Voici, ajouta-t-il en désignant son œuvre, la coupe d'Aspasie, et voici, en montrant le travail de Démétrios, la coupe du matelot. Travaille, mon ami, et nous verrons. L'épreuve paraissait longue et pénible au jeune potier. Deux fois encore, il tenta d'égaler son maître, et deux fois encore, celui-ci se moqua de lui, prenant un malin plaisir à lui signaler toutes les imperfections de son œuvre. Enfin, après bien des tâtonnements et des efforts infructueux, Démétrios acheva un vase absolument identique à celui qu'on lui avait proposé comme modèle. Le profil en était le même, les dimensions exactement semblables, les décors aussi frais, les couleurs aussi vives, aussi caressantes. Sûr à présent d'avoir conquis le droit d'épouser Milita, il présenta son vase à l'Abéon. Le vieillard fronça les sourcils. « Oui, oui, Parades, ce n'est pas mal, il y a du talent. Tu es un habile potier. Mais ce n'est pas encore cela. Il manque à ton travail quelque chose que je ne saurais définir. Cherche, et tu trouveras peut-être ce qu'il faudrait y ajouter pour le faire égal au mien. » Ayant dit, l'Abéon sortit faire le guet devant sa maison, car des gamins lui dérobaient les plus belles de ses figues, et il s'était juré de les prendre et de les corriger d'importance. Resté seul, Démétrios, désespéré, regardait tour à tour le vase qu'il venait de terminer et le vase que son maître avait dédié en offrande à Pallas. Il avait beau les comparer, en scruter les moindres détails, tous deux lui semblaient également beaux et harmonieux, dignes d'être agréés par la sage déesse. Et même, en les examinant de plus près encore, en les fouillant d'un œil attentif, il en arrivait à se persuader que son vase à lui était plus gracieux et plus noble que celui de l'Abéon. Pourquoi alors, pourquoi le vieux potier lui avait-il dit que son œuvre était imparfaite et qu'il y manquait quelque chose? Le jeune homme implora la déesse. « Ô Pallas Athénée, toi la protectrice des artistes, daigne me voir d'un œil favorable et me donner conseil. » Soudain, il crut avoir vu la statue lui sourire, et en même temps une idée lui traversa le cerveau. Ah, l'Abéon prétendait que l'œuvre de son disciple était inférieure à la sienne. Démétrios allait bien lui faire voir le contraire. Comment ? C'était tout simple. Le jeune homme allait retirer le vase placé au pied de la déesse et y poser le sien. Si l'Abéon, en revenant, ne s'apercevait de rien, ce serait que les deux œuvres étaient identiques et dignes au même degré d'être offertes à l'immortel. Oui, mais si le vieux potier s'apercevait de la substitution. Le jeune homme ne s'arrêta pas à cette hypothèse. Et plein d'ardeur, il monta sur un siège pour enlever des pieds de la statue l'œuvre de son vieux maître. Malheureusement, il fit un faux mouvement, le vase lui échappa et se fracassa sur le plancher. Épouvantable accident. D'un air pétrifié, le jeune homme considérait les débris qui jonchaient le sol quand soudain, sur l'un des morceaux, il crut déchiffrer quelques caractères tracés à la pointe d'un style. Il ramassa le fragment, et avec un étonnement joyeux, il déchiffra. « Celui qui aura brisé ce vase pourra me demander tout ce qu'il voudra. » Quand l'Abéon rentra, Démétrios, montrant le vase brisé, lui demanda la main de sa fille. Et peu de temps après, il épousa la douce Mélita. C'était « Le vase d'argile » par Eck Bouyer.